Juste si Déborah et Anaïs, vous pouvez juste me rejoindre et nous dire, ça devient une tradition, Déborah et Anaïs, c'est un peu les aventures de Déborah et Anaïs, vous savez, Déborah et Anaïs à la plage, Déborah et Anaïs à Nîmes, donc mettez-vous là, et juste courtement, hein, c'est que vous avez quand même suivi une formation, et puis moi ça me touche que vous ayez autant à cœur de vous former, vous avez vécu des choses, vous avez rencontré des gens, juste courtement, une minute ou deux chacune, vous pouvez juste dire ce que vous avez vécu, ce que vous retenez de ce temps passé à Nîmes. Alors, du coup, oui, en effet, on a fait une formation avec David Thévenet et Gérard De Vogel, et on a fait une formation sur la guérison. Alors, le matin, c'était vendredi et samedi, toute la journée, et le matin, c'était donc activation prophétique, et l'après-midi, avec de la pratique et tout, c'était super intéressant, et l'après-midi, on avait, du coup, la guérison aussi pratique. Et du coup, il y avait une formation sur la guérison des corps malades, physiquement, et on a eu aussi au niveau du cœur. Et la manière de voir les gens, de les interpeller, enfin, de leur parler, d'amorcer et tout. Et voilà, c'était super intéressant. C'était trop, trop, trop bien. C'était génial. Vas-y. Moi, j'ai vraiment adoré la partie ouais, du matin, comme elle dit, du samedi matin sur l'activation prophétique, parce que c'était pas que de la théorie, c'était aussi pratique. Voilà, on a vraiment pratiqué avec des gens qu'on connaissait même pas, qui nous connaissaient même pas. Et puis c'était pas juste la dame qui nous disait des choses, on l'a fait vraiment entre nous, dans le groupe. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait un changement même dans l'atmosphère du groupe. Comme si c'était vraiment important. On sentait vraiment un cœur d'église, quoi. Je sais pas si tu avais ressenti ça, mais vraiment, on sentait l'église, quoi, là. Pourtant, on ne se connaissait pas. Et on venait d'églises totalement différentes de partout en France. Donc, voilà. Et ensuite, l'après-midi, le samedi après-midi, ouais, ça a été juste incroyable. On a été séparés toutes les deux. On n'était pas dans le même groupe. C'était un peu volontaire, hein, de notre part. On a voulu vivre des choses différentes et après, du coup, pouvoir les partager. Et moi, je suis plutôt allée dans le quartier de Nîmes, où, la zone défavorisée. Donc... ça a été un hasard, mais c'était aussi une volonté. J'ai trouvé ça trop cool que ça a été un hasard, mais du coup, une volonté propre. Ouais, on a vu des trucs... Il y a surtout une dame qui m'a vraiment touchée, si j'ai encore 30 secondes. On était en train de marcher, et cette dame est arrivée d'en face, et elle était vraiment comme... on aurait dit que tout le malheur du monde était sur elle, quoi, en fait. Elle était vraiment presque limite courbée physiquement. C'était, enfin, moi, ça m'a vraiment déchiré le cœur. J'ai pas d'autre mot que celui-là. Ça m'a vraiment fait monter. Enfin, voilà, en plus, je suis très sensible, donc vite, je sens les larmes qui montent. Et la personne qui m'accompagnait, parce qu'on essayait toujours de fonctionner à deux, enfin on était quatre par groupe, mais là on s'était séparés, parce que imaginez quand vous êtes tout seul sur un banc, par exemple juste en train de lire au parc, et que quatre personnes arrivent sur vous, on est chrétien, on prie pour la guérison, enfin ça fait un peu sectaire et bizarre. Donc on s'était séparés juste à deux chaque fois. Et donc, et je lui dis à mon collègue, ça serait bien peut-être qu'on prie pour cette dame, parce que je sens vraiment qu'elle a l'air pas bien, enfin je dis ça se voit. Et pas plutôt, je lui dis, voilà, on est chrétien et on prie pour la guérison dans le nom de Jésus. Elle me regarde, elle me dit, mais moi, ça va pas du tout. Et puis, on sent les larmes aussi qui commencent à monter. J'ai dit, je peux vous prendre dans mes bras? Elle me dit, oui, elle me connaissait même pas. Hein. Et là, elle nous explique que donc, dans son logement, vu que c'est une zone défavorisée, les propriétaires, ils s'en foutent de ce qu'ils louent. Ou peut-être ils peuvent pas faire autrement et aussi, enfin, j'en sais rien après. On va pas juger, quoi. Et en tout cas, le fait est qu'elle, là où elle vivait, il y avait des déchets chimiques. Et donc, elle ne le savait pas. Et c'est rentré dans son corps. Et avant qu'on prie, sa douleur, elle était à 8 sur 10. Donc, elle souffrait vraiment. Et donc, la douleur n'est pas partie en entier quand on a prié. Je suis convaincue qu'elle a dû partir maintenant ensuite. Mais elle avait bien diminué. Donc, c'était déjà vivable, quoi. Et puis, elle nous disait qu'elle se sentait tellement mal et seule qu'elle avait peur à la longue de rentrer finalement dans une secte. Parce que... de solitude, quoi, de plus savoir où se raccrocher aux branches, quoi. Et donc elle était contente d'avoir enfin rencontré des chrétiens qui l'écoutent. Il y avait d'autres problèmes en plus dans sa vie, enfin, on a prié pour tout ça et c'était vraiment trop bien. Il y a d'autres trucs, mais bon, c'est surtout ça qui m'a marqué, quoi. Voilà. Amen. Bientôt ça à Béziers, hein. Bientôt next level, c'est à Béziers. Next step, c'est ça. OK, merci à vous. Et Donc la boîte effectivement de prière, si vous avez des sujets de prière, vous les notez lisiblement et l'équipe prie, l'église prie pour vous et pour ce sujet de prière. Donc là, vous voyez, on va accueillir Katia, mon épouse, qui va parler sur les concepts erronés de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui avait des concepts erronés de Dieu, c'est bien Katia. Moi, je l'ai connue quand elle avait 16 ans et elle croyait en Dieu. Mais ce qu'elle croyait de Dieu, l'image qu'elle avait de Dieu, était vraiment correspondait pas à Dieu de te regarder et dire « mais c'est pas moi ça, ce que tu crois de moi, c'est pas moi ». Et elle va nous parler de la plupart des concepts erronés que nous avons par rapport à Dieu. Vous allez certainement vous reconnaître. Et l'idée, c'est que vous puissiez ne sortir de cette pièce en ne croyant pas à Dieu selon vos préceptes à vous. Mais la moindre des choses, c'est que vous le laissiez lui vous dire qui il est. Et pas simplement un pasteur ou votre éducation, vos études, mais laissons Dieu nous dire « Hey, on va enlever un voile ce matin, et donc c'est Katia qui a le privilège de tirer sur le voile. » Vas-y, amuse-toi bien. On va s'amuser. Hein. Alors bonjour, je suis Katia, pour ceux qui me connaissent, mais bon, je connais tout le monde en principe, donc c'est Katia. Eh bien, merci Mikaya, parce que franchement, c'était juste extraordinaire. C'est tellement bon de... Ouais. Mais c'était bon, la présence de Dieu a été bonne. Donc comme disait Greg, je vais vous parler des concepts qu'on a eus. On a tous donné, plus ou moins, oui, tous, je surveille. On a tous donné notre vie à Jésus et on marche avec lui aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avant de le connaître, on avait une conception sur Dieu, des conceptions, des concepts sur Dieu, des fausses croyances que j'appelle moi. Et aujourd'hui, on l'a vécu ce matin dans la louange, c'est Dieu c'est un ami, c'est un papa, c'est notre amoureux. J'ai vraiment vécu un temps d'amour avec lui ce matin. Et donc, c'est notre ami. Et je vais prendre le verset Jean 15:15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Donc ce matin, on va parler de ces conceptions, ces fausses conceptions qu'on a eues dans le passé et qui peuvent arriver, à mon avis, qui peuvent arriver aussi dans notre marche avec Dieu. Il y a des moments où on peut... Ça dure une seconde, deux secondes, hein, ou des fois on peut en avoir encore aujourd'hui de ces fausses conceptions. Donc il y a une première conception, c'est qu'on pense que Dieu est cruel. Et on pense que Dieu est un Dieu qui est rude et qui veut nous discipliner, qui veut que la plupart des expériences... qu'on a vécu, où ça a été dur, donc c'est ce qui fait de lui un Dieu cruel. Et tout ça, il nous a envoyé, c'est ce qu'on croit, hein, c'est ce qu'on a pu croire, qu'il nous a envoyé ces choses pour nous donner une leçon. Je ne sais pas si ça vous a, s'il y a quelques-uns. Ah ben, si j'ai reçu ces mauvaises choses de la part de Dieu, c'est parce qu'il faut que j'en tire une leçon. Je sais que moi, il y a quelques années de ça, j'ai fait une formation de l'AIMG, certains connaissent l'AIMG, et il y a eu la prédicatrice Audrey Mac qui a prêché, et à un moment donné, elle parle, et enfin elle prêche, et elle enseigne sur les fausses croyances, et pendant longtemps, j'ai cru qu'effectivement, Dieu envoyait des choses mauvaises pour nous donner une leçon. Et là, ça a été, moi, une révélation. J'ai dit, waouh ! En fait, Dieu n'envoie pas la maladie, Dieu n'envoie pas des catastrophes dans nos vies pour nous faire comprendre quelque chose. Dieu est l'ennemi numéro un de la maladie. Dieu est l'ennemi numéro un du diable. Dieu est l'ennemi de tout ce qui est mal dans ce monde. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que... Bon, je passe du temps sur le premier point, je suis désolée. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose, que ça soit une révélation, quelque chose que vous dites. Oui, Dieu est l'ennemi de la maladie et des mauvaises choses. Dieu est bon. Donc, cette conception de Dieu qui est un Dieu cruel est fausse. Dans le psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu nous a, dans la Bible, vous pouvez l'apprendre, il n'a jamais dit que ça allait être la vie des bisounours, que du jour où on a donné sa vie à lui, qu'il n'allait pas avoir d'épreuves, que rien, qu'il allait avoir rien, il a pas promis ça. C'est vrai. Mais il a dit que tous les jours, chaque instant, du moment que je me lève, le soir que je me couche, il est avec nous. Il est avec nous dans les moments de joie, il est avec nous face aux épreuves. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Chaque jour, chaque moment de votre vie, quand vous êtes bas ou que vous êtes haut, il est avec nous. C'est une promesse de Dieu et il faut vraiment la croire. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, un Dieu exigeant. Ah oui, il y a aussi, on a pu croire aussi que Dieu était exigeant. Que tout ce qui nous arrive, donc, c'est parce que, en fait, il est avec un bâton et là, il va nous corriger. Il va nous corriger. Que Dieu utilise toutes nos tragédies vraiment pour nous punir. Parce que c'est un Dieu, c'est vraiment le Dieu exigeant. Il exige que, afin que, pour développer une relation avec lui, donc c'est comme si que lui, il disait, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Donc si t'es comme ça, t'es bien, mais si tu fais pas ça, là, il est là, il attend avec son bâton. Moi, je sais qu'au début que je me suis convertie et que je me suis mariée, donc je croyais qu'il fallait que je prie minimum une heure par jour, minimum. Donc je prie aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais qu'il fallait que je lise 5 chapitres par jour de la Bible et que je prie minimum une heure et là, Dieu allait m'aimer. C'était bien. Hein. Donc je m'étais organisée dans ma petite journée, 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, et je travaillais pas, j'ai eu mon fils assez tôt, et 20 minutes le soir avant d'aller au lit. Et là, par contre, ça y est, c'était super, j'avais fait, ça y est, Dieu allait m'aimer plus. En fait, j'allais être meilleure si je priais ces minimum une heure par jour. Bon, fausse conception totale. Total, c'est Dieu même que je prie une heure, trois heures, un quart d'heure, il m'aime. Il exige rien de moi si ce n'est que je l'aime, si ce n'est que je m'adresse à lui. C'est une relation en fait. Et il m'aime tout le temps. Dieu est un papa d'amour pour ses enfants. Dans Matthieu 7, 11, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Dieu veut se révéler vraiment comme un papa. Il veut vous surprendre, vous aimer. Donc il n'est pas un Dieu exigeant. Et ce matin, pendant la louange, Greg a parlé du Dieu absent aussi. Fausse conception. Donc il est absent. Donc quand on a besoin de lui, comme par hasard, il n'est pas là. On est malade, il n'est pas là. On a un problème, il n'est pas là. On a beau prier, s'adresser à lui, on ne le voit jamais. Alors il est responsable de tout l'univers, il a créé la terre, il nous a créé, il a fait plein de choses, mais comme par hasard, quand j'ai des problèmes, il n'est pas là. C'est, en fait, quand j'ai relu un peu ce cours de Paul Goulet, je les ai tous eu plus ou moins. Ah ouais, j'ai pensé à un moment que Dieu était cruel, était exigeant, était absent. Et Dieu est là. Dieu, il est tout le temps là. Et même dans les petites choses. Quand Timothée, mon fils, mon aîné, était jeune, il y avait donc à l'époque de la Coupe du Monde, juste après. C'était juste après Greg ou avant ? Enfin bref, c'est pas grave. Donc le top, c'était de voir Zinedine Zidane jouer au foot. Et Timothée, Greg, on a prié pour pouvoir aller à Montpellier, à la Mosson, aller voir Zinedine Zidane jouer. Et là, on va, Greg va chercher, on a prié avec Timo, Seigneur, on veut, merci Jésus. Alors Timothée, petit enfant qu'il était, merci Jésus parce que tu nous donnes des places. Greg va et il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Et guichet fermé, c'était complet parce que ben, c'était l'équipe de France et puis Zinedine Zidane, donc c'était complet. Et là, Greg est rentré, donc la dame a dit non, non, je suis désolée, il n'y a pas. Et en ressortant, tu y es retourné, hein, c'est ça. Hein. Ouais, parce que je me suis souvenu de la prière de Timo. Ouais, il s'est souvenu de la prière de Timo. Et il est reparti. Et en fait, il restait 4 places. La dame a donné 4 places. Et déjà, pour mon fils, ça a été juste waouh. Jésus l'a répondu. Mais je vous dis ça pour dire. Dieu, il n'est pas absent, et même dans les petites choses. Souvent, on prie, on peut prier pour des grandes choses, et je prie pour des grandes choses, je prie pour des miracles, je prie pour des guérisons, mais aussi, n'hésitez pas, il n'est pas absent dans vos petites, dans votre quotidien, en fait. Dieu est présent dans notre quotidien. Dans Ésaïe 49, verset 14-15, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait ? Moi, je ne t'oublierai point. Dieu est un Père aimant. Une autre fausse conception est un Dieu insensible. Alors, sa seule préoccupation consiste à voir ses lois et ses commandements où on doit obéir au doigt et à l'œil. Il n'a pas de temps à perdre. Ce Dieu-là, il ne perd pas de temps avec nos trucs. Non, non, c'est de la perte de temps. Nos émotions, ce qu'on passe à l'intérieur, cette conception-là, Dieu, en fait, il s'en fout, donc il n'a pas de temps à perdre avec ça. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on soit productif. Et quels que soient les obstacles, il faut que vous soyez productif. Et il y a un verset que tout le monde, c'est le premier verset vraiment que j'ai appris par cœur, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si on se pose juste une seconde et demie sur ce verset, de dire, il a donné son Fils unique. Et je ne pense pas, moi je donnerai mes enfants pour personne, je pense. Aucun de mes fils, je les donnerai pour personne. Et quand je pense que Dieu a donné son Fils, et qu'on puisse croire à un moment donné, ne serait-ce que quelques secondes, que Dieu est insensible, vraiment c'est une conception fausse. Ce n'est pas un Dieu avare et mesquin. Il a tant aimé le monde, tant aimé le monde. Il nous a donné, il a donné son Fils. La pauvreté n'est pas un signe de spiritualité. Ça aussi, c'est pas dans le truc, mais je le dis. La pauvreté n'est pas un signe de spiritualité, car Dieu est généreux. Il aime bénir ses enfants. Il n'est pas insensible. Notre Dieu est grand. Par exemple, depuis qu'on connaît Paul et Denise Goulet, jamais, il y a ne serait-ce que 4 ans, donc il n'y a pas longtemps, j'aurais pensé que ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, hein, avec l'Église Transformation, ce qu'on vit aujourd'hui, jamais j'aurais pensé que Dieu pouvait faire de telles grandes choses dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église à Transformation. Jamais j'aurais cru que j'ai une si belle Église, en fait, avec des gens extraordinaires comme vous. Jamais j'aurais cru ça. On est soutenu financièrement par les États-Unis. Ça va, princesse ? On est soutenu par les États-Unis. Aujourd'hui, là, je ne vous en ai pas parlé, on fait une conférence pour les femmes au mois de juin, originelle. Et jamais j'aurais cru que Dieu me permette d'organiser une conférence pour les femmes. Et mon Dieu n'est pas insensible, il me connaît. Il m'a créé et il vous connaît, il vous a créé. Une autre conception, c'est un Dieu colérique. Alors là, le dieu, cette conception-là, c'est un dieu où, en fait, il envoie et il fait des catastrophes. Donc tout ce qu'on peut voir, les catastrophes naturelles, les tsunamis. Alors, oh là là, quel dieu colérique qu'on a hein. Qu'est-ce qu'on a dû faire des choses mauvaises. Donc là, il frappe des milliers de personnes et il est, voilà, c'est vraiment un dieu coléreux et imprévisible aussi. Et là, c'est... Là, il y avait un exemple que j'aime beaucoup, c'est la prostituée, la femme adultère dans la Bible, dans Jean, je crois que c'est, Jean 8. Là, il y a tout le monde, tout le monde l'amène en disant, cette femme a péché, il faut la lapider, il faut l'amène à Jésus et il faut la lapider, quoi. Et Jésus qui leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là... tout le monde, un par un, se carapate, et il n'y a plus personne. Et là, je me dis, mais waouh, en fait, on pense que Dieu est un Dieu en colère, finalement, c'était dans les lois, et non. Jésus, waouh, il est là, il est ému de compassion, il aime, il lui dit, va, ne pêche plus. Lui, il ne la condamne pas, je ne te condamne pas, il lui dit. Donc mon Dieu n'est pas un Dieu colérique comme souvent on peut le penser. Psaume 86, 15, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu est plein de miséricorde pour nous. Il a, ce matin vraiment dans la louange, j'ai senti comment il était ému, comment il était compatissant, combien il nous aimait. Vraiment j'ai senti sa présence et son cœur pour nous, pour chacun de nous. Une autre conception, c'est un Dieu inaccessible. Alors, c'est un Dieu qui ne peut pas comprendre tout, hein, nos frustrations, tout ça. Et alors là, ça, je pense que réellement, à un moment donné, on l'a tous vécu. Moi, je pensais, avant ma conversion, je pensais que Dieu était dans le ciel, donc... Donc c'était tout blanc, avec les nuages, alors il y avait un grand trône tout illuminé, et puis il y avait un grand monsieur, vieux, barbu, un peu Zeus quoi, hein, hein c'est ça, hein c'est Zeus, en fait voilà, c'est ça, c'est Zeus. Et en fait, ouais, c'est là, en pensant, je me dis, tiens, mais c'est Zeus, en fait. En fait, j'ai vu dans les dessins animés, en fait. Mais je pensais que c'était un vieux loin et en fait qu'il avait créé tout, qu'il faisait tout, il avait un vieux papy loin quoi en fait. C'est ce que je pensais qu'il était éloigné et dépassé aussi, dépassé par nous, par ce qu'on vit dans ce monde, et que c'était un dieu inaccessible, loin dans le ciel, dans ses nuages en fait. C'est ce que je pensais. Et vous, alors, est-ce qu'on les a tous là? Mais ce que j'ai dit, on les a en... Si, en fait, j'avais une question pour vous. Quand moi, je prie, souvent, quand je prie, je prie que le Dieu grand. Parce que ce que j'ai vécu avec Dieu, ce que je vis avec Dieu dans mon quotidien, j'aime prier ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Parce que c'est cette relation que j'ai avec. C'est très personnel ce que je vous dis là. C'est je prie le Dieu qui est grand. Il a créé la terre, il a créé les humains, il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et j'aime voir la grandeur de Dieu, j'aime voir comment il est grand, comment il est puissant. Ça, c'est... Il y a des personnes, par exemple, qui aiment et qui prient le papa, parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Une fois, j'étais dans mon lit, je priais, tranquillou, pépère, le soir, et là, j'ai eu une montée, mais un truc de fou, avec de Dieu... une montée d'amour, mais un truc comme même pas j'ai eu pour grec quand on était fiancés ou quoi, mais un truc, vous savez, un truc tout à l'intérieur de moi, mais une montée d'amour pour Dieu. Mais ça m'est jamais plus arrivé, ça. Mais c'était un truc, je dis, mais j'étais là dans mon lit, je dis, Seigneur, mais comment je t'aime, mais j'étais éperdue, j'étais mais folle amoureuse, mais un truc de fou, ça m'est jamais plus arrivé, mais j'ai dit, mais waouh, mais en fait, je veux t'aimer tout le temps comme ça, tout le temps, je veux t'aimer comme ça. Et j'ai vécu un moment d'amour, comme on dit, avec mon Dieu. Et puis, ces moments nous marquent. Et quand je vous dis que ce Dieu grand, en fait, vous réfléchissez à un moment donné, quand vous priez Dieu comment ? Est-ce que vous priez le papa ? Est-ce que on prie le sauveur ? Est-ce qu'on prie notre libérateur, notre bien-aimé ? Réfléchissez un peu quand vous priez, c'est à qui, à ce Dieu-là, comment il s'est présenté à vous. Je suis sûre que vous pouvez vous imaginer un peu, ah oui, c'est vrai, je vous dis, moi, quand je prie, c'est souvent ce Dieu grand à qui je prie. Donc j'ai des questions pour vous. Avec quelle fausse image de Dieu avez-vous dû lutter jusqu'à présent ? Avant votre conversion, et je vous dis, ça peut arriver où c'est quelques secondes où on se dit, il est absent là. Là j'ai une lutte avec quelque chose et je crois, ça dure quelques secondes. Ah, ben là, il est absent, il n'y est pas. De toute façon, il s'en fout de moi, il n'est pas là. Donc, avec quelle image fausse de Dieu avez-vous à lutter jusqu'à présent ? Pour quelle raison pensez-vous avoir à lutter avec cette fausse image de Dieu ? Parce que, en fait, ça vient pas, on n'a pas des fausses conceptions parce que, comme ça, ça tombe pas du ciel. C'est parce qu'à un moment donné, on a vécu quelque chose et du coup, on pense que c'est une vérité. Et c'est la réalité, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu. La réalité, c'est ce qu'on vit, mais c'est pas la vérité. J'aimerais aussi qu'on prenne un temps de prière. Donc, s'il y en a quelques-uns qui se retrouvent dans toutes ces fausses conceptions. Alors, ça peut être du passé aussi, quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et du coup, on va faire ça simplement, demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, parce que j'ai cru que tu as été absent. J'ai cru que tu es cruel. J'y ai cru, quoi, à un moment donné. Ça va être tout simple. Et ce qu'on va faire, on va prier ce Dieu, l'Éternel est mon berger, Yahvéra. Dieu vous aime inconditionnellement. Il s'est complètement donné à vous. Yahvéra, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Emmanuel, Dieu est avec nous et pas Dieu contre nous. Il est Emmanuel. Vous êtes une personne de grande valeur à ses yeux. Il est Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Il pourvoit, effectivement, que ça soit financier, mais il vous pourvoit dans les dons. Il pourvoit dans les cadeaux du ciel. Est-ce que j'ai une autre question qui me vient. Quand vous avez rencontré Jésus pour la première fois, vous avez donné votre vie à Jésus. Est-ce que il vous a donné un cadeau de bienvenue? On a tous vécu à un moment donné ce cadeau de bienvenue. Il veut faire des cadeaux. Il est Yahvé Jiré. Il pourvoit. Effectivement, on peut vivre des choses difficiles dans la vie, mais il est là. Et une vérité, la parole de Dieu, elle dit que ça n'ira pas au-delà de nos forces, au-delà de l'insupportable. You're que j'ai cités. Et on va, si vous voulez juste lever la main, on va prier pour vous et avec l'équipe et de dire et puis dire les choses que vous croyez qui sont les vérités de Dieu, qui sont la vérité, que Dieu n'est pas tout ça. Qu'il n'est pas ce Dieu de ses fausses conceptions, mais qu'il est le Dieu d'amour pour nous. Il a donné son Fils unique. Il est accessible. Il est là. Il est au milieu de nous. Libérer cette source, elle a déjà coulé en vous, mais là il y a des choses qui sont venues comme des pierres, des cailloux, des choses qui sont là qui empêchent cette source de jaillir. Et on va prier pour que la paix vienne sur vous. Et j'avais un autre nom de Dieu, c'est Yahvé Rapha, l'Éternel mon médecin, l'Éternel qui te guérit. Et donc il y a des personnes qui sont certainement avec des douleurs, des problèmes physiques. Et on a eu ces témoignages tout à l'heure de Anaïs et Déborah. Et si vous avez, c'est votre cas, physiquement, j'ai un problème physique, alors avancez-vous, mettez-vous sur le côté. Et on va, c'est aussi dans la nature de Dieu. C'est comme ça qu'il se révèle, qu'il se fait connaître. Il ne guérit pas, il est la guérison. Il est Yahvé Rapha, l'Éternel mon médecin, l'Éternel qui me guérit. Donc s'il y a un problème physique, quittez vos rangs et mettez-vous sur le côté. Et nous allons terminer le culte en priant spécifiquement pour les personnes qui se sont avancées. Amen. Merci Jésus. Merci, Jésus. Si l'équipe peut venir prier, Alain, tu peux aller aussi, Nicolas, Naomi, on peut être plusieurs même, Déborah peut bénir les personnes qui se sont avancées et prier pour elles avec tout notre cœur. That you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father to me.